Le secrétaire général du Conseil du prix international Kim Jong-il, Mukeshi Sharma et sa suite, l'administrateur de l'Institut africain des aides du Tutsi, Henry Masikon, Ogami Kenichi, secrétaire général de l'Institut international des aides du Tutsi et sa suite, sont arrivés le 14 à Pyongyang pour participer à la cérémonie de remise du prix international Kim Jong-il. Précédemment, sont arrivés également l'administrateur du Conseil du prix international Kim Jong-il, Alexandre Plohanov, rédacteur en chef du journal russe Zabutra et sa suite.